ده فاي فاسي سعد مالي نافع بس توني قوش رفينك جدا سبابون اسموشي قدين نافع بابون ميدو دنشو كان نافع سي كرياتيف La science des chocs vibratoires de Jeff en parlait dans ses études. Le choc. Il y a un moment de donner un choc à un être. Ni avant, ni après. Il y a un moment. La vibration passe, zap. C'est après de là. Pas avant. Après, c'est après avant, c'est émotionnel. C'est après, c'est émotionnel. La vibration est jamais, le choc vibratoire est jamais sous le contrôle de l'ego. Fait que là, l'enfant bénéficie de cette vibration-là. Qui ne peut pas avoir en relation avec eux autres, mais qui peut avoir en relation avec tout. Parce que c'est un canal à ce moment-là. Et comme l'enfant est trop jeune pour être un canal, dans ce moment-là, c'est lui qui devient un canal. C'est comme si, en attaquant son ego à lui, là, en donnant un choc au niveau de l'ego, c'est comme si tu attaquais ton ego à toi. Plus les jeunes, plus c'est difficile. C'est ça que les femmes. Mais plus vous conscientisez, plus vous devenez mental. Oui, plus c'est. Fait que plus vous êtes capable. Mais c'est un des plus grands tests. Ouais. Pour une femme, c'est, pour une main, c'est un test. C'est un test. Ouais. Ah, c'est un test. C'est un test de mentalité, de centricité. De... Comme l'homme va avoir un test en relation avec son patron, la femme va avoir un test où il va être en relation avec son enfant. Parce que nos enfants sont bien importants. Ils sont importants. Là. Qu'on ne réalise même pas aujourd'hui combien sont importants. Plus tard, on va le réaliser. Parce qu'eux autres aussi vont être dans l'énergie. Comme là, tu parles avec ton mari, mais plus tard, tu vas parler avec ton mari, ton enfant, ça fait 3, ça fait 4. Il y a une chose, quand j'avais des phases de crise, le petit, là, souvent, je l'écoutais, tu me donnes l'information. Ça arrive souvent, là, que, parce que là, disons, moi, je n'étais plus capable d'avoir un bon pilote, un bon pilotage, là, parce que je n'étais trop plus dans mes filles. Le petit, par les réflexions qu'il faisait, il m'a remetté sa tête. Souvent, quand je perds le feeling, là, disons, un contrôle quelconque, le mental, ben, j'en peux plus, c'est toujours le petit qui me donne les mots, les idées qu'il faut. En fait, il change de canal complètement. Une fois, là, j'étais complètement assommé, là, et je vivais, puis je demandais, le petit dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu vas pas, ben, je dis, pourquoi il fait une tension parce qu'il y a des valeurs. Il ne faisait pas pour des valeurs. Il m'a dit ça il y avait 2 ans. Là, je le regardais, c'était tout petit coup. C'est pour ça qu'il était parti au Chicago. Mais là, il ne parlait pas, là, ça pose un appel, il fait d'autres choses. Ça arrive souvent. Quand j'écoute le petit, pareil, comme je peux t'écouter, il n'y a pas de l'eau à dire. Donc, si on écoute un enfant comme ça, il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui est au-delà des groupes. Ouais, ça dépend d'enfants. Les enfants sont pas tous pareils. C'est plus un enfant que tu peux écouter, il y a des parents qui ont des enfants qui ne peuvent pas les écouter. Mais pourquoi tu peux se servir des enfants aussi pour attiser des points qui m'attouchent? Ouais. Ah oui, ils vont servir n'importe quoi. Mais c'est à vous autres de comprendre vos enfants, c'est à vous autres de savoir si vos enfants l'ont en vibration, s'il y a quelque chose qui passe par vos enfants. Il y a des enfants par lesquels il se passe beaucoup d'informations. Il y a des enfants par lesquels il ne passe pas rien. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont faciles à élever, il y en a d'autres qui sont difficiles à élever. Moi, ma fille, c'est pas un cadeau. Elle est bien fine, c'est ça. Mais c'est pas un cadeau. Le travail qui était fait sur ses corps pendant 7 ans, aujourd'hui, se fait que c'est un cadeau là. Mais c'est tout un caractère, parce que c'est le mot « tête de cochon ». C'est la tête de cochon, mais c'est cette énergie-là. Tu passes par l'ego, là. Tu ne peux pas détruire sa force. faut que tu canalises. Sans ça, tu détruis l'ego de l'enfant. Faut pas le détruire, l'ego de l'enfant. Faut le renforcer, le renforcer, le renforcer. Mais. Tu vois? Moi, je travaille toujours à construire et à développer son ego. Bien clair, qu'il soit clair, l'ego, qu'il soit clair. Pas embrouillé. Je prends l'affaire de colporter, c'est un exemple. Ça fait partie de l'ego, ça. Faut que je l'enlève. Rien qu'un moment où c'est temps de donner un choc, ça aujourd'hui c'était le temps, même si ça faisait 2-3 ans qu'elle faisait ça, là aujourd'hui elle l'a eu, elle ne colle pas trop dur. Mais il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle voie. Mais il n'y a pas un enfant pareil. Moi j'en ai une toffe. J'en ai une toffe. Parce qu'elle est bourrée de qualité, c'est tout les qualités de l'enfant. Les enfants ont les qualités de leurs défauts. Fait que c'est pas un cadeau. Elle. Mais moi, j'ai donné des chocs vibratoires depuis qu'elle est venue au monde. Je pense qu'avant 3 semaines, ça prend un choc vibratoire. J'ai crissé une plaque sur les fesses. Ma femme m'a regardé avec des grands yeux de main. Je dis que c'est mieux que ça soit fait. Puis elle se rappelle, hein, la dernière qu'elle se rappelle, là, elle avait 5 ans. C'est la seule qu'elle se rappelle à 5 ans. Ça veut dire que c'est la grande. La dernière grande fessée. Aujourd'hui, c'est une Josa, je parle avec elle. Je parle fort, je parle. Mais les fessées, de ses fesses, là. La dernière, c'était à 5 ans. C'est la seule qu'elle se rappelle, les autres, quand elle a tout se rappelle tout ça. Ben, ce qui arrive, c'est qu'elle est tellement dans son esprit aujourd'hui qu'elle a un jugement. Elle a un jugement d'adulte. On va pas au magasin acheter des robes, qu'elle n'était pas assez qu'elle robe, celle-là, les couleurs, tout. Ah. Elle aussi, elle fait la même chose, elle fait des réflexions. Et des fois, elle retombe dans ça. Faut que tu sortes de ça. Parce qu'on parle, on a des illusions. La pureté des enfants, puis ça va être un enfant. Un enfant, c'est inconscient, un enfant. C'est totalement inconscient, un enfant. Il faut que ça devienne conscient. Mais comme ils sont jeunes, puis qu'ils n'ont pas été conditionnés au niveau du mental, ils sont des canaux ouverts. Nous autres, notre travail dans l'éducation des enfants, c'est de maintenir ouvert le canal. Puis d'ajuster l'ego pour que rendu à 15-16 ans, un enfant soit dans son esprit. Une fois qu'il est rendu dans son esprit, il n'y a plus de problème, cet enfant-là, comme nous autres, on a eu, de se réajuster, de se trouver, puis de se plugger. Ils sont plugués depuis longtemps, je pense. Fait que là, tu as des enfants dans cet âge-là, que tu peux parler avec eux, ils sont sur ta longueur d'onde. Nos enfants vont bénéficier de notre expérience. Nous autres, on est obligés de vivre la secousse, la grande secousse. Nos grands doutes intérieurs, tout notre petit changement intérieur, nous n'en avons pas ça. L'émotion de vie à la vie, là, celle qu'on la connaît, nous autres, chaque enfant, donc, c'est bon de couper dedans. Je dis, je ne parle pas de l'émotion que l'enfant va vivre lui-même dans l'expérience. Bon, ok, je suis content que tu me demandes. Il dit que quand tu as un enfant, tu lui donnes tout ce que tu peux donner quand il est vibratoirement en harmonie. Quand un enfant est vibratoirement en harmonie, là, quand il est dans son esprit d'enfant, dans son esprit, c'est quand il tombe dans le caractère de son ego, faut que tu enlèves. Si ton enfant est bien gentil, puis il est bien avenant, puis tu sais qu'il est dans. Tu peux lui donner à lui. Tu le gâteras jamais. Fait qu'il dit, il n'y a pas peur de gâter vos enfants. L'abondance, il devrait en avoir sa tête. Il n'y a pas de raison qu'un enfant n'ait pas son petit bisette, qu'un enfant n'ait pas son livre, puis qu'il n'ait pas ça. C'est quand les enfants sont de travers que là, vous devez couper à la racine ce travail-là pour qu'il retourne dans leur vibration, puis vous continuez à les nourrir. Fait que, qu'est-ce qu'il arrive? Fait que, pour les années, l'enfant, il manque de rien. Il y a tout eu l'enfant. Il n'y a pas de raison que l'enfant ait tout, parce qu'il dit qu'il y a tout, ça va. Mais il dit, quand vous donnez quelque chose à l'enfant, il faut que ça soit toujours en harmonie vibratoire. Si sais pas en harmonie des affaires, faut que tu restes. Moi, ils me l'ont dit quand j'ai eu la petite. Ils ont dit, la petite, elle va tout avoir. Ce qu'elle a besoin. Ça, ça veut dire que quand tu es en harmonie vibratoire, si elle va au magasin, ben, tu te je pourrais-tu avoir, je ne sais pas moi, un crayon et du papier, parce qu'elle est tout dans le papier et le crayon. On va y en acheter. Mais si elle me dit, papa, j'aimerais ça d'avoir un autre. Tu connais les vibrations, là. Là, c'est l'ego. Elle n'est plus dans son esprit, là. Elle était dans son esprit quand elle demandait, papa, j'aimerais-tu, je pourrais-tu en avoir un crayon et un papier? Là, c'est dans son esprit. Ou ça, qu'elle dit, papa, je pourrais-tu en avoir deux? Et dans son ego. Là, c'est quoi? C'est ça. Quand vos enfants, vous avez des relations avec vos enfants, checkez toujours s'ils sont dans leur esprit ou s'ils sont dans leur ego. S'ils sont dans leur ego, là, là, tu le coupes à la scène. Sans ça, l'ego va se développer. Puis il va se développer. Première chose, tu vas savoir, il faut faire partie sur le dos. Et c'est bien important, ça, s'il y a des enfants. C'est bien subtil. La différence entre l'ego de l'enfant et l'esprit de l'enfant. C'est l'esprit de l'enfant, l'enfant, il est parfait. Mais des fois, ça va loin, ça. Tu ne peux pas lui donner matériellement ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. S'ils sont dans l'esprit, ils vont toujours comprendre. S'ils sont dans l'ego, ils ne comprendront pas. OK. Et aussi, si ça t'étouffe, tu prends toi comme dans un être. Si à un moment donné, l'enfant fait des gestes ou des attitudes qui te nuisent, ça t'étouffe, ça te fatigue, tu sais, ça prend ton énergie ou quelque chose. C'est dans l'ego. C'est pas en harmonie. Fait, c'est à cause de l'ego. Tu sais, parce que finalement, tu te trouves comme ça en thérapie. Oui, mais il ne faut jamais que tu doutes de ta température. C'est ça. Moi, je trouve que c'est la... Si l'enfant est dans son esprit, il va être en harmonie avec toi. C'est ça. Si il est dans son ego, il ne sera pas en harmonie avec toi. Bah, c'est là que chaque part. Ça crée des tensions, là. Bon, tension. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut toujours juger s'il est dans son esprit ou s'il est dans son ego. Si dans son esprit, ça nous fait plaisir, on est bien avec l'enfant. Oui. Si dans son ego, on a un petit malaise, ça nous fatigue, ça nous met ses nerfs. Oui. Il y a une chose, c'est que l'esprit de l'enfant peut aller traiter notre ego aussi. Il peut sentir notre ego. C'est, disons, exemple, tu payes un certain luxe, puis le petit te demande un luxe lui-même, puis là, tu dis non, mais toi, là, tu l'as bien pris. Il a raison. C'est ça. Aussi c'est ça. Faut que tu lui donnes son luxe. C'est ça. Mais l'enfant, c'est un petit adulte. C'est ça. Puis l'enfant a le droit d'avoir ses choses. Comme toi, tu vas au magasin, tu te jettes ta pipe. Lui, si on va au magasin, il a le droit à avoir son équivalent. C'est ça que tu payes pour. Ça, c'est subtil, il dit ça aussi. C'est ce qui arrive dans les familles, comme dans l'ancien temps, dans nos familles, elle a des magasins, puis il n'y a pas beaucoup d'argent à faire, il n'y a pas d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait toujours des enfants qui se sentaient insécurisés. L'enfant il allait à l'école, son chum, il avait une belle paire de bottines, puis lui, il avait des bottines de son petit frère. Ouais. L'autre, il avait un beau pantalon, l'autre, il a le pantalon de son petit frère avec un trou dedans. C'est le même. Il dit qu'on ne doit pas penser que des enfants, ce sont des enfants, ce sont de petits adultes. Fait que si nous autres, on a le droit de nous acheter une chose, tu vas au magasin. Moi, je m'en vais au magasin avec ma femme chez Steinberg, pas chez Steinberg, il y a trop de ça. On achète. Tu sors du magasin avec un paquet de patentes de même. Tu penses que le petit va sortir du magasin bien vite? Il va t'accrocher quelque part, quelque chose dans l'église. Je sais, c'est pas d'accord. Je sais pas, oui. Il a le droit à voir quelque chose aussi parce que lui aussi, il faut qu'il s'exécute au niveau de son esprit. Si c'est au niveau de son esprit, ça marche. Tant que ça tombe au niveau de son ego, là, faut que tu checkes. Parce qu'un enfant passe toujours de l'ego à l'esprit, à l'ego à l'esprit, à l'ego à l'esprit. Puis c'est ça, être un enfant. Un enfant, c'est ne pas être capable d'être stable dans l'esprit. C'est de passer l'esprit, l'ego, l'esprit, l'ego. C'est ça être enfantin. Esprit, esprit. Parce que quand t'es conscient, t'es toujours dans l'esprit, t'es jamais dans l'ego. Fait que tu juges la maturité de l'enfant de son pouvoir de rester dans l'esprit le plus longtemps possible. Fait que c'est ta job. Tu vas entendre l'éducateur de le garder, de l'amener à rester dans son esprit. C'est ça l'éducation. Puis avec un façon de faire. C'est en passant chaque vibratoire de l'ego pour se transmettre en esprit. Tu veux dire garder son âme dans le temps, c'est pas bon. C'est quand le monde dit que c'est bon de garder son côté dans le temps. Il dit que c'est pas bon, c'est bon. C'est que le point doit être situé en relation avec l'évolution de l'enfant, en relation avec l'évolution de l'ego de l'enfant, pour que, au fur et à mesure qu'il avance, pour qu'il puisse rentrer dans son esprit le plus vite possible. On va pas pour un adulte. Ouais. Par exemple, une personne de 35, 40, 50 ans va dire que c'est bon de rester un enfant. Ouais, mais ça, c'est des adultes qui sont des enfants. Ouais, mais qui jouent avec esprit égo, esprit égo. Qui jouent avec esprit égo, esprit égo. Mais s'ils entretiennent le fait qu'il faut que ce soit comme ça, à ce moment-là, ils ne veulent pas aller dans l'esprit. Ils ne veulent pas être dans l'esprit. C'est ça. Et j'ai aucune intention, j'ai aucun goût d'être un enfant puis de me sentir comme un enfant. Parce que j'ai bien plus de plaisir dans la vie à être dans mon esprit que d'être dans un petit esprit. Je mets dans un grand esprit qu'un petit esprit. Parce que c'est plus vaste. Ça, c'est encore de du rationalisme sur des gens. C'est l'esprit poétique de l'humanité, j'appelle. Il dit, on est tous des cigares. Parce qu'au niveau de l'éducation, quand les enfants vont à l'école, actuellement, l'éducation est centrée sur ça, maintenir le côté poétique de l'enfant. Ça va tout le temps contre. L'éducation aujourd'hui, dans toutes les écoles du monde, est totalement retardataire. Il n'y a pas d'école sans terre où l'éducation permet à l'enfant de passer de l'ego à l'esprit. Ça prendra des écoles initiatiques, ça, puis il n'y en a pas encore. Même des écoles Steiner ne sont pas à ce stade-là encore. Parce que pour avoir 20 enfants ou 30 enfants pour les faire passer de l'ego à l'esprit, il faut que tu sois toi-même d'abord conscient, il faut que tu sois dans ton esprit pour pouvoir passer la vibration de ton esprit aux autres. Donc, les écoles sont des moyens temporaires pour permettre à l'ego de développer de plus en plus au niveau de son intellect puis de ses capacités naturelles. Mais ce qui est le plus dommageable des écoles aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment enseigner à l'enfant par la méthode de l'esprit. On enseigne à l'enfant par la méthode de l'ego. L'ego du prof contre l'ego de l'enfant. Quand il arrive à la maison, ben, tu te rends compte quand il y a 2-3 journées de congé, c'est plus facile avec son enfant. Ouais. Il retourne à l'école, il a tellement envie. C'est ça. Puis il revient de l'école, il y a des habitudes. J'ai pris l'école. L'école, ça dépend. C'est pour ça que moi, je suis content parce qu'à cette heure, ils m'ont fait sortir de l'école privée, de la rentrée dans l'école publique ou à faire rien. Puis là, elle se concentre tout sur son piano. Tu fais partie de son esprit. Avec l'école, tu fais partie de ton ego. C'est secondaire. Fait elle apprend à lire un livre. Elle apprend ses mathématiques, ce qu'elle va avoir besoin, les instruments, le reste. Après, elle n'a pas de temps avec ça. Parce qu'elle est toute tellement orientée dans le piano. Mais, c'est parce que je le sais. Si je ne le savais pas, elle perdra son temps dans l'ego de l'école. Parce que là, elle rentre dans son esprit à elle. Puis dans son esprit, c'est le piano. Fait que là, là, je la guide le bien. Donc, ça fonctionne. C'est ça, il suffit de trouver la... Il faut savoir. Qu'est-ce qui fait à chaque enfant. C'est ça qu'il dit tout le temps, l'éducation, c'est très dur, puis c'est très facile. C'est son rêve, l'autre. Moi, je me retarde de dire des choses aux gens. Je me retarde parce que, pas la sorte que je me retarde personnellement, je dis je retarde des niveaux de gens parce que les gens peuvent pas comprendre la subtilité de l'esprit dans ce que je dis. Donc automatiquement, ils vont faire des gaffes, et j'attends 2 mois, j'attends 3 mois, j'attends 4 mois. Éventuellement, il faut le dire. Quand c'est si à un moment donné, c'est comme si, disons, c'est qu'on voit de la volonté, mais elle n'est pas réalisée. À ce moment-là, ça fait une souffrance. Mais c'est juste quand c'est réalisé que là, tu peux l'appliquer, comment dire, c'est comme le savoir. C'est s'il n'est pas réalisé, à ce moment-là, il t'empêche de dire. Là, ça te cause une souffrance. Mais quand c'est pleinement réalisé, il faut qu'il s'exprime. Oui. Mais je veux dire, est-ce que ça peut durer? Ça dure comme. Oui, mais ça fait partie de l'évolution des corps. Ça fait partie de la pénétration de l'énergie. Ouais. Tu ne peux pas réaliser ta volonté tant que tu n'as pas les corps pour l'absorber, la volonté. Parce que quand tu réalises la volonté, l'énergie, la volonté, à ce moment-là, il faut que ton corps émotionnel soit assez fort pour absorber. L'absorber. Sans ça, tu souffriras de culpabilité, tu souffriras de ci, tu souffriras de ça. Parce que quand ça part, cette affaire-là, il ne faut pas que tu aies de culpabilité. Bon, faut que ça soit froid ici. Ouais, juste froid. Fait que là, c'est précis, c'est ça, puis c'est finant. Tu regardes pas en arrière. Moi, j'ai tapé ma main sur le desk, je pense pas à vous autres, je m'inquiète pas de savoir si j'ai fait trop de bruit ou non. L'énergie passe, non, je le fais, finalement. Ouais. Bon, mais dans la volonté, c'est la même chose. L'énergie, ça passe, tout à l'espace. Si tu commences à te culpabiliser, puis te questionner, puis te raisonner, il y a fond pour passer l'énergie. C'est une force d'énergie. Ça crée des chocs vibratoires, cette énergie-là. Faut pas que l'ego en souffre. Sans ça, ça démolit l'ego. Mais toi, il dit, toi, là, tu commences à te comprendre. Dans le sens que tu commences à te mesurer. Tu commences à pouvoir te mesurer. Ouais. Tu commences à te mesurer. Puis quand tu commences à pouvoir te mesurer, là, tu commences à pouvoir te savoir. Ouais. Puis quand tu commences à pouvoir te savoir, tu commences à pouvoir être plus sûr de ce que tu fais. Oui. Tu sais que c'est ça. Oui. Mais jusqu'à sa limite. Parce que tes limites sont toujours les limites de ton pouvoir et de pouvoir recevoir l'énergie. C'est ça. Mm-hmm. Mais c'est ça que je te dis. Ouais. Quand tu es dans un état... Ça fait un ajustement, tu réagis même si c'est le principe féminin. Il y a simplement une différence entre le principe masculin et le principe féminin au niveau de l'ego. OK. Quand tu es dans l'esprit, comme ma femme est dans l'esprit, ma femme... Quoi? Ma femme, c'est pas une femme. C'est une femme. C'est pas une femme. Oui. Ma femme, c'est l'esprit. Moi, c'est l'esprit. Puis ici, on a nos corps. C'est plus l'ego, là. Je regarde plus ma femme avec mon ego, mais elle me voit plus avec son ego. C'est esprit-esprit. À ce moment-là, toi, tu es un corps d'homme, là, avec un corps de femme, parce que tu es dans le monde terrestre, donc c'est ça. C'est ça. Tu parles de femme comme protection pour le monde. C'est son matériel. Donc c'est juste au niveau de l'écho. La femme est la protection pour l'homme dans ce sens que la femme a une capacité de perception que l'homme n'a pas. Au niveau de l'écho. Au niveau de l'ego. Au niveau de l'esprit, c'est la même chose. C'est pas pour l'esprit. Mais l'ego détermine toujours la nature de l'esprit. Moi, si je sens pas mon ego, mais c'est évident que la nature de mon esprit va être vécue d'une façon bien plus vaste que ma femme. Parce que ma femme sent plus son ego que moi, je peux sentir, je suis fusionné. Mais elle est assez dans l'esprit pour qu'on fonctionne au niveau de l'esprit. Mais elle n'a pas ma résistance. N'ayant pas ma résistance, elle a une limite. Ayant une limite, sa limite devient ma limite au niveau du monde matériel. Quand elle est arrivée à sa limite, là, au niveau de son ego, de subir l'énergie de l'esprit, à ce moment-là, on reste enfant du temps matériel, il faut que moi j'arrête là. Là, il n'y a plus d'initiation, c'est fini. Là, on fonctionne en tant qu'être bien harmonisé dans l'esprit. Sans ça, ça n'arrêterait plus. Parce que quand tu es fusionné, tu n'es plus débranché. Tandis qu'elle a besoin de débrancher. Et elle doit prendre plaisir à son ego. Elle doit prendre plaisir à la vie de son ego. Oui. pour apprécier la dimension de son esprit. C'est vrai? Pour le commun des mortels, t'expliquer alors que l'homme de Dieu, tout a écouté Satan. J'expliquerai pas ça aux gens. Je n'expliquerai pas ça au monde extérieur. Parce que les gens ne comprendront pas ce que je veux dire. Puis si les gens ne comprennent pas ce que je veux dire, ils interprètent mal ce que je veux dire. Puis s'ils interprètent mal ce que je veux dire, à ce moment-là, ils vont mal agir dans leur vie avec ce que je veux dire. C'est en faisant ça que je dis que tu retardes ce que je dis. Ils comprendront pas. De la part de la maison, puis la part, il dit c'est ça. C'est le même travail chez le monde. Et là, si le vrai passe deux minutes, il va réaliser. Puis, quand tu fais, c'est pas elle qui écoute. Bernard a dit c'est ça. La situation est délicate, surtout dans ces domaines-là, les mariages, tout ça. Est-ce que c'est toujours un jeu délicat de se vérifier? Très délicat. Moi, je comprends que ça peut casser. Ça peut casser. Quand les gens comprennent ça, à ce moment-là, là, je peux parler. Là, c'est comme si ça m'ouvre la porte. C'est comme si je peux dire n'importe quoi. Là, je sais que les gens n'interpréteront pas mal. J'ai plus de résistance. J'ai souffert tellement, là, je suis capable. Je suis rendu tellement centré que moi je peux lâcher tout puis aller là, puis vivre une vie bien retirée, bien tranquille. Là. J'ai tellement de créativité intérieure que je peux vivre à rien faire. Puis eux autres le savent. Fait que s'ils me font dire des choses, mais qu'ils s'avancent pour mesurer ce que je dis, puis s'assurer que les gens qui entendent ce que je dis sont des gens qui peuvent entendre ce que je dis. Qu'ils ne me fassent pas sortir des affaires de même, là. C'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'il y aura des changements après le mois de janvier, à ma façon de parler. Comme dans les conférences, là, je suis très pitchot dans les conférences. Je parle, là, la dernière conférence, là, je parle bien lentement. Là. C'est plus intellectuel, là, on dirait. En tout cas, là, je ne pouvais pas me battre assez. J'ai déjà crié dans les conférences. Mais... Je peux le faire, c'est parce que. C'est ça. C'est ça, le travail. Et moi j'ai déjà fait des séminaires, là, pas dormir deux jours avant, faire le séminaire, puis attendre, parce que quand je finis un séminaire, il y a une vibration, moi je sais quand un séminaire est fini, il peut être fini, le séminaire peut être fini le samedi après-midi, il peut être fini le samedi soir, vibratoirement, je continue avec le monde à jaser, mais il peut être fini vibratoirement dimanche matin, dimanche après-midi, samedi matin, quand il faut attendre tant que c'est pas fini. Puis, il y a un temps qu'il faisait faire la voyance, il se rencontrait tout le monde tout seul, là, le parler tout seul. Peut-être des fois, ça finissait à 1h, 2h du matin, dimanche. Je partais avec Gisèle, j'avais tellement d'énergie, là, j'avais les yeux de main, souvent, j'avais le choix de conduire jusqu'à New York. C'est un mandat, un vrai robot. Mm-hmm. T'es allé chez vous le lundi, là, t'es comme des nuages. Moi, le lundi, ça m'a fait mettre du favori. Après le séminaire, là, j'ai assez travaillé, là. Là, je fais rien lundi. Lundi, c'est ma journée de convivial. La journée du Seigneur, moi aussi, lundi. Le mardi, ça commence. Je suis pas mal de le faire. Quand je parle, là, je parle comme des canards. C'est juste parce que je cache l'esprit, parce que je suis trop dans l'esprit. Puis étant trop dans l'esprit, le corps, les corps. Je ne serais pas capable de prendre le choc de la souffrance. Ouais. Tandis que quand tu es dans l'ego, tu es capable d'en prendre la souffrance. Mm-hmm. Oh. Ça, c'est bien intéressant. Ouais. Ça m'a suffi ça. Moi, à un moment donné, je pensais à toi, tu sais, puis ça te ramène, ça doit être écœurant qui souffre. Ouais. Tu sais, je veux dire, ouais. Comment tu te sens dans ton corps, ouais. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Ça n'a plus d'allure. La moindre, ça n'a plus d'allure. Ma femme hier a dit j'ai jeté les diapositives parce que j'ai beaucoup de photos. Des photos. Puis moi, la photographie, c'est une relaxation. Parce que j'ai l'intention éventuellement d'acheter un petit carousel pour acheter ça sur le mur parce qu'on s'assied, puis on parle, puis on jase, puis on regarde ça. Yeah. là, t'es moi tout l'acheter. Mais elle dit, j'ai jeté les négatifs. Ça m'a passé un choc dans le corps. Elle ne m'avait pas tout expliqué sur l'affaire, mais le choc, la souffrance que ça m'a fait passer le corps. Ouais. Tu sais, ça paraît ridicule pour un égo. Mais pour moi, ça a été un choc. Là, j'ai refusé à mon dent. Je me décide de me donner plus de ciel. Puis, tu continues à m'expliquer. Ça, ça a détruit des places. C'est tout des affaires. Hein. C'est rendu, là, à un certain point, tu souffres pour des niaises. C'est plus des grosses affaires. Ils sont plus capables de prendre des grosses affaires. C'est des petites niaiseries que tu souffres. Puis, mais il vient pas être plus capable. Fait que là, tu t'en sauves, puis tu te protèges, puis tu te protèges, puis tu te protèges, puis tu te protèges. Pour pas souffrir. C'est clair. Ça, ça vient du niveau de conscience. Ça vient du niveau de conscience, tu vois. Parce que tu deviens... Trop sensible. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que plus t'es conscient, plus tu te protèges. Plus t'es conscient, plus tu te protèges. Tu viens comme anesthésie. Tu t'anesthésies. Donc, c'est normal. C'est normal. Mais, ça, quand on vient au point de dire une chose en fait, je ne peux plus la supporter. Je ne peux plus souffrir. Wow. C'est sûr que je la sens pénétrer. Mais par après, je me demandais si je n'empêchais pas l'énergie de passer. Non. Quand tu es capable, tu es capable. Mais eux autres, ils savent si tu es capable. Oui, oui. Fait qu'ils vont t'accrocher à un autre coin de rue, ils vont t'en donner un autre. Fait que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que tout, tu te fâches. C'est que tu te fâches. Puis en fâchant, tu corriges la situation, puis tu corriges la situation, puis tu corriges. Fait que éventuellement, la situation est bien corrigée. Ils peuvent quasiment pas t'accrocher. Ils peuvent t'accrocher si tu sors de chez vous, là, puis tu t'en vas en ville. Ils peuvent t'accrocher. Ils sont plus pas des niaiseries, c'est tellement subtil que vous avez une idée. C'est des niaiseries. Parce que les grosses choses ne te font plus rien. C'est trop évident. Mais les petites choses, là. Il dit que quand tu fonctionnes totalement dans ton esprit, tu n'as jamais besoin de médecin. Mais il faut que tu fonctionnes totalement dans ton esprit. Il ne faut pas que tu aies 99,9% dans ton esprit, il faut que tu aies 100% dans ton esprit. Si tu fonctionnes 100% dans ton esprit, ils s'occupent eux autres de ton mental, de ton émotionnel, de ton vital, de ton physique. Moi, si je viens de prendre un rhume, là, je vais dire, bon, dans une heure et demie, que ce soit fini, ça fait une heure et demie, finale. Fait que tu vas me dire quoi faire. Mais il faut que tu sois totalement dans ton esprit. Oui, mais il y a quand même des possibilités qui ont, parce que moi, là, la semaine passée, je me suis réveillée avec un rhume, puis à midi, j'avais mon voyage. Parti, en tout cas, à un moment donné, j'ai pris une aspirine, puis je peux pas prendre le médicament, je réagis d'effet contraire. Puis je me suis rendu compte, quelques heures après, quand mon mari m'a dit comment va ta grippe, qu'il y avait plus de monde. Je n'en ai pas pris conscience, puis là, ben, quand j'en ai pris conscience, ben, venu un petit peu, comme ça. Ça avait coupé complètement carré. C'est l'énergie qui avait... Il faut qu'on sienne l'énergie, mais l'ego ne suffit pas toujours à l'énergie. Hein? L'ego suffit à n'importe quoi. C'est comme moi, normalement, en tant qu'homme, c'est pas normal de ne pas pouvoir courir. Un homme court, c'est normal. Moi, je suis pas capable de courir. Mais si j'étais à mon ego, mais là, je dirais, bon, mais je vais faire du jogging et me mettre en forme. Là, je me ferais du dommage. C'est ça qu'il faut en arriver à jamais à se comparer. Il faut toujours être centrique. Parce que les lois de l'homme ne sont pas les lois de l'esprit. Les lois de l'ego ne sont pas les lois de l'esprit. Les lois de l'ego sont liées à la forme. Les lois de l'esprit sont liées à l'énergie. Quand on dit que tu le penses, pas en forme. Tu le dépasses. Tu le mets pas en forme. Contrôler ça. C'est pas que tu le contrôles, c'est que tu vis dans l'esprit. Non, je vais contrôler. Ouais. C'est ça, c'est même trop vrai que c'est toi-même qui fais ta propre santé. C'est sûr, c'est toi-même qui fais ta propre santé, définitivement. Est-ce que c'est possible que ton corps physique, ok, ait de la difficulté à suivre à un moment donné l'élévation du niveau de vibration qui t'enlève des séquelles au niveau physique? Ah, c'est normal. Parce que tu vis de plus en plus dans le mental. Mais ça va s'harmoniser. Parce que plus tu vis dans le mental, plus tu vis dans le supramental, plus ton corps éthérique, ton corps vital se disloge de ton corps physique. Fait que si ton corps vital, puis ça, ils font lentement, parce que tu sais que quand ton corps éthérique se coupe de ton corps physique, ma fille, puis si t'es pas entraîné à ça, c'est pas intéressant. Parce qu'il y a plus de sport. Fait que là, ton corps se sépare lentement, lentement, lentement, mais la moindre séparation que tu fais entre ton corps physique et ton corps vital, ça affecte ton corps physique. Tu mets ton égo là-dedans, puis là, ton égo s'inquiète. Fait faut que tu vives dans l'esprit. Moi, j'ai déjà mangé des repas qui m'ont rendu malade. Là, je t'en maudis contre les autres. Tu sais que c'est pas. Ils disent, on a besoin de cette énergie-là. Fait que là, tu vis dans l'esprit, fait que tu t'inquiètes plus. Fait que tu peux te rendre malade pour changer les vibrations de ton corps électrique. Tu sais, ça n'arrête pas là. Quand on dit que tu trouves, moi, je me rappelle souvent de ça, que tu es bien trop dans ta tête, tu es passé dans ton corps, ça te dit que c'est une évolution environnementale. C'est normal. Ça fait partie de ton tempérament de vivre dans ta tête. Plus tu vas aller, plus tu vas vivre dans ta tête. Donc c'est normal. Pour toi, c'est normal, oui. Si tu commences à t'occuper de ce que les autres disent, à ce moment-là. Je sais bien, je ne m'occupe pas de ce qu'ils disent. Ouais. Je me suis jamais occupé. Ouais, c'est ça. Ça les dérange pareil. Ouais, ben, la question est, c'est que le monde est bon. Si tu ne pas ton corps en harmonie avec ta tête, le reste de ta tête. Ton corps va suivre sa tête. Ouais, moi, je me dis, si ma tête a fait le même, le corps va suivre. Automatiquement. Pour la majeure partie du monde, non, ils font du jogging, les autres. La tête est le bain. Non, c'est le contraire, ils coupent quand on commence à être mental. Ils coupent les activités. Ah, ils coupent. D'ailleurs, je t'ai déjà dit, si vous êtes très fort physiquement, les hommes, vous allez faire de la force avec le temps. Si vous allez dans l'astral, éventuellement, vous ne pouvez pas aller dans l'astral. Je l'ai annoncé, ça depuis longtemps. Ah, tu t'es fait. Moi, je suis comme un vieux, je me promène bien lentement, je cours pas. Je sors de ma maison, là, je prends ma marche, je prends une fois par semaine. Je sors de la maison, je m'envoie l'autre bord, puis je reviens. Il y a des amis qui viennent à la maison, j'ai dit, viens, on va aller prendre une petite marche. C'est grand chez nous, ils pensaient qu'on allait aller au bout du monde. Mais ça dit la maison, elle est venue, puis je dis, on se tourne. Ça connaît, peut-être. Si, à la maison, on fait poser un fil. Il y a l'affaire de 220 volts. Il y a un ami qui est ingénieur, puis il dit, bon, mais ça, faut que le ground, faut que tu nappes là. Il dit ça à un de mon chef, un de mes amis, qui travaillait à sa maison. Quand on est venu pour ça, moi, j'ai dit avant de faire n'importe quelle connexion, j'ai dit, tu m'appelleras avant de faire la connexion. Je descends, il vient de faire la connexion, puis il s'en la met le fil à mauvaise place. Les autres, ils disent, il n'est pas là, le ground, il est là. Mets le fil là, celui-là, là, celui-là, celui-là. L'autre, l'ingénieur a fait une erreur. Nous autres, on a rappelé l'erreur. Fait qu'éventuellement, tu deviens tellement en harmonie vibratoire avec eux autres que tu n'as pas besoin de savoir, tu sais. Tu n'as pas besoin d'aller investir pour prendre des cours, tu sais que c'est là qu'il va le fil. C'est toujours de même. Mais avant d'en arriver à ça, c'est tout ça qu'on souffre. La souffrance, la pénétration, ça. Moi, ce que je vous dis, c'est pour vous empêcher de souffrir pour rien. Sans ça. Si vous aviez été obligé de passer par eux autres seuls, vous auriez été obligé automatiquement de perdre votre libre arbitre. Parce que là, vous pouvez garder votre libre arbitre, en connaître les illusions, mais le garder, il ne faut pas être obligé de fusionner dans un coup pour pouvoir arriver au même état de l'air. C'est ça l'histoire. Mais pour avoir. Moi, je te dis, comment ça va? Marie. Il n'y a rien au monde que je veux. Plus tant que moi, je suis un plan matériel, il n'y a rien que je veux de plus que la paix. Parce que, Quand t'es conscient, tu cherches plus rien, t'as plus besoin de rien, t'as tout. Fait que tu viens de la paix. Moi, c'est avec la paix, je veux. Avec la paix. Puis la paix, pour moi, c'est la paix. La grande paix. Puis la paix, ça veut dire le moins contact possible avec l'homme inconscient. C'est plus le choix, éventuellement. Non, c'est plus le choix. C'est des tensions. Tu deviens mal. Ouais. C'est pas le problème, mais ici. C'est vrai, c'est pas le problème. Il n'y a pas de communication. Comment est-ce que tu leur expliques? Ils ne comprennent pas. C'est des artistes vivants à faire. Tu développes la résistance supplémentaire, puis tu te dis, c'est là. Éventuellement, tu deviens comme un bloc d'acier. Fait qu'il y a une guerre atomique entre les Russes et les Américains, il n'y a rien là. Parce qu'ils vont créer les conditions où ton corps matériel sera protégé. Il n'y a plus de limite à ce niveau-là. Rendu à ce mot. Quand on est rendu à ce stade-là de l'évolution de l'homme, il n'y a plus de limite. Fait que c'est pour qu'il y en a d'autres qui descendent descendent d'un plan vers ton plan pour te rentrer dans leur marché de l'Internet. Fait que t'es prêt. Comment tu fais ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il faut arriver avec lui? C'est ça, exactement. Le reste, c'est l'overtime. Ça fait 40 ans, tu commences à t'occuper de ces affaires-là, tu t'occuperas plus du vol vol demain matin. Tu t'occuperas plus de travailler demain matin, tu t'occuperas plus de t'avoir du plaisir avec tes enfants, tu t'occuperas plus. Plus ça va, plus il y a des gens spirituels qui s'inquiètent, là ça devient une vraie névrose, cette affaire-là. C'est meilleur après, c'est vivre à la croix. Moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est plus que je me suis, plus ma conscience s'est développée, plus ça va mal dans le monde, moins ça va mal pour moi. Tu vois? Je suis pas arrivé au point encore d'avoir la totale paix. Ça revient en 84 pour moi. Mais aujourd'hui, c'est encore pas mal. C'est pas ce que je veux encore, mais c'est pas mal. Mais plus je me conscientise, plus ça va mal dans le monde. Moins que ça. Il y a une guerre mondiale, moi, puis les Russes, les Américains. Laissez-moi vous dire que je sais ce qui se passe dans le monde. Ah. Ça me dit pas un point de vue. C'est comme ça qu'il dit qu'il faut qu'on soit. C'est ça, vivre dans notre esprit, pas vivre dans notre égo. Nous, on est bien vrai. Mais malheureusement, on ne peut pas savoir ça. Il faut qu'on en arrive à le savoir au fur et à mesure qu'on se tourne, C'est une vibration, c'est une énergie. Tu le sais, c'est final. C'est ça qui passe leur temps constamment à nous expliquer, à détruire des formes, pour que notre ego ait le moins de support possible. Parce que le support de l'ego, c'est l'illusion totale. Alors, quand notre ego n'a plus de support, à ce moment-là, on n'a plus besoin de rien parce que tu n'as plus de support. Si tu t'accroches à rien, c'est bien. Mais si tu t'accroches à quelque chose, ça part. C'est pas vrai. Pourquoi pas t'accrocher à rien? Moi, s'il y avait une guerre, ils descendent en avion, ils vont en Nouvelle-Zélande, je m'envoie en Nouvelle-Zélande. S'il est reste chez vous, reste chez vous. S'il est reste chez vous, on vient de marcher en ligne. Attends. Là, au moins, en attendant, dans cette période-là, ça arrive à vivre une vie qui est réellement plaisante. Une vie qui est réelle, plaisante. Là, tu as des amis. De plus en plus, tu as des amis. De plus en plus, tu as des amis. De plus en plus, tu as des amis. Ça forme une société anonyme. Tu es allé en France, tu es allé aux États-Unis. Moi, si je vais à New York, je vais rencontrer quelqu'un dans un restaurant, ça c'est garanti. Si je vais en France, je vais rencontrer quelqu'un. Je vais me rencontrer quelqu'un. Tu rencontres vous quelqu'un. Tout le temps, tu rencontres quelqu'un. Ça te fait des amis avec qui tu peux parler. Il y a une de mes amis qui est d'aller à la République dominicaine, l'a rencontré le président de la République dominicaine. Il est déjà là, il est déjà dedans. C'est la France. Tu rencontres du monde à tous les niveaux de la société. Et lui, il souffre dans sa sensibilité psychique. C'est sa souffrance. Elle, avec ce qu'elle sait, elle peut l'aider à comprendre les affaires. Ça va loin. Moi, je me rappelle, au début, il me disait, un jour, tu rencontreras Andrea Poharic. Je disais, comment tu vas rencontrer Andrea Poharic? Je suis pas un physicien. Il disait, inquiète pas. Tu vas rencontrer. Un jour, je m'envoie dans une librairie, je vois une petite femme, puis moi, je vais jamais dans une librairie. Je vois une petite femme, puis je dis, madame, vous devriez lire ce livre-là, c'est très bon. Regarde, ça tourne d'abord, parce que. Pourquoi est-ce que vous me dites ça?